Chapitre 18e. Je me levai assez tard ce jour-là pour ne pas voir l'heure avant d'aller au lycée. Je pris mes livres et mon chapeau et j'arrivai à l'heure ordinaire pour faire ma classe. Mais comme je franchissais le seuil de la porte cochère, le portier vint au devant de moi d'un air grave et solennel et me remit le billet suivant. Monsieur Gaston Phoebus se rendra aussitôt après avoir reçu ce billet chez monsieur le recteur dans les bureaux de l'académie. Parbleu. Pensais-je, voilà mon affaire. Je suis destitué, c'est certain. Mais du moins ne serais-je pas insulté. J'avais réfléchi toute la nuit à ma situation, et je voyais clairement qu'il me serait impossible de rester paisiblement à Rocheparon. Dès lors, il valait mieux partir sans lutte et retourner à Paris, cette patrie de tous les infortunés. Je riais donc en moi-même, mais d'un rire furieux, en songeant aux grandes phrases par lesquelles le recteur chercherait à savourer son triomphe et à jouir de ma disgrâce. Le brave homme n'avait plus prise sur moi. Je ne m'étais pas trompé dans mon attente. Percepied me reçut encore plus mal que la première fois. Il était assis dans son fauteuil, les jambes croisées négligemment, et roulait d'un air pédant et fat sa tabatière entre ses doigts. « Monsieur, dit-il enfin en me regardant du haut en bas, « je n'entends parler que de vous. Vous êtes un véritable objet de scandale pour toute la population de Rocheparon. Non content de remplir Dieu sait de quelle façon vos devoirs de professeur au lycée, il mentait, car peu de professeurs ont eu plus de succès que moi, j'en donnerai une preuve qui fera sourire tous les vrais connaisseurs en matière d'enseignement. Aucun de mes élèves ne dormait en classe. Vous menez la vie la plus étrange et la plus dissolue. On m'assure, monsieur, que vous avez une maîtresse. » Que vous faisiez passer pour votre sœur, que vous vivez depuis longtemps avec elle et qu'enfin, saisi d'un repentir tardif, vous allez l'épouser. Monsieur, répondez, cela est-il vrai? Ma résolution de partir était si bien prise que toutes les injures de Percepied glissaient sur moi comme l'eau sur une toile cirée. Aussi, je le laissais parler sans daigner l'interrompre, mais quand il s'arrêta, je répliquais à mon tour « Monsieur, de qui tenez-vous ces renseignements ?»« Que vous importe, monsieur » dit-il en rougissant de colère. Il s'était attendu à me voir nier ou demander grâce, et je répondais à ses questions par d'autres questions. « Votre police, monsieur, vous a mal informé » continuai-je. « Monsieur, je n'ai point de police à mes ordres. Daignez-vous la faire vous-même et écouter aux portes ?»« Monsieur, cette insolence !»« Calmez-vous, cher monsieur, » lui dis-je. « J'en ai entendu de vous bien d'autres. « Tout à l'heure, vous avez insulté ma mère et ma fiancée, c'est-à-dire deux personnes qui me sont plus chères mille fois que moi-même et que tout l'univers. Je vous ai laissé parler. J'aurais pu, moi, vous dire par représailles tous les bruits qui courent sur votre compte, mais je n'en ferai rien, cher monsieur, à moins que vous ne me poussiez à bout. » Ses lèvres frémissaient et blêmissaient de rage. Il avait compté sur un triomphe facile, sur un ennemi abattu, et il se voyait bravé en face. « Monsieur, dit-il enfin après un court silence. « Vous parlerez moins haut, je l'espère, devant le conseil académique et devant monsieur le ministre de l'instruction publique. Je vous préviens que je vais faire à l'instant mon rapport. Faites. Que je dirai tous les scandales dont vous êtes l'occasion. Dites. Que je demanderai votre destitution. Demandez. » Il parut un peu surpris de mon sang-froid. Il avait cru que ces menaces produiraient plus d'effet. Et quant à l'insolente réponse que vous m'avez faite tout à l'heure, j'ai la confiance qu'elle ne restera pas impunie. » Cette dernière menace, qui n'était pas un vain mot en ce temps-là, car on sortait à peine des commissions mixtes, et il aurait été facile de m'envelopper dans quelques mesures administratives, cette menace, dis-je, comble à la mesure. « Et toi, lui dis-je, face de chien, âme de laquais, si tu me pousses à bout, je te donnerai la bastonnade devant toute la ville de Rocheparon. » Ma menace était pour le moins aussi sérieuse que la sienne, car les événements malheureux qui s'étaient succédés coup sur coup m'avaient exaspéré, et je me sentais une envie féroce de me venger sur quelqu'un des injustices du sort. Justement, Percepied avait l'imprudence de me provoquer en ce moment-là. Mais s'il avait eu cette imprudence, il sut bien la réparer, car sans dire autre chose que ces mots, « Ne me touchez pas, ne me touchez pas, ne me touchez pas !» Il fit le tour de la table avec une incroyable agilité, arracha le cordon de la sonnette dans sa précipitation et ne se crut en sûreté que quand il me vit ouvrir la porte et sortir d'un air tranquille et doux, comme si je venais d'avoir avec Platon lui-même une conversation philosophique sur la vie future ou la vie antérieure. J'étais à peine arrivé chez moi, lorsqu'un garçon de bureau arriva précipitamment et me communiqua un décret signé Percepied, par lequel j'étais provisoirement suspendu de mes fonctions. Laure entra dans ma chambre, lut l'arrêté du recteur et me dit en sautant à mon cou « Ce bon Percepied, comme cela se trouve, j'allais te prier de quitter Rochebaron, car je n'y vivrai pas 24 heures de plus, j'étouffe. » Pauvre chère bien-aimée, elle avait pleuré toute la nuit et ses yeux encore rougis témoignaient de ses inquiétudes. Mais aussitôt que notre départ fut décidé, et il le fut à l'instant même, nous recouvrâmes tous les deux une gaieté singulière. Au fond, d'où venait notre malheur? De la sottise des habitants de Rochebaron et de notre propre étourderie. À Paris, nous n'avions plus rien à craindre de l'une ou de l'autre. Là, nous serions libres, heureux, et pour ne plus prêter le flanc aux discours de personne, nous serions mariés dans les délais légaux. Et hélas, inutile projet.